quand je suis 20 ou 30 mois. Quand je suis 20 ou 30 mois sans retourner en vent de moi, plein de pensées vagabondes, plein d'un remords et d'un souci, au rocher je me plains ainsi, au bois, aux antres et aux ondes. Rocher, bien que soyez âgé de 3000 ans, vous ne changez jamais ni d'état ni de forme. Mais toujours ma jeunesse fuit, et la vieillesse qui me suit, de jeune en vieillard me transforme. Bois, bien que perdiez tous les ans, en hiver, vos cheveux mouvants, l'an d'après qui se renouvelle, renouvelle aussi votre chef. Mais le mien ne peut de rechef ravoir sa perruque nouvelle. Entre, je me suis vu chez vous avoir jadis vert les genoux, le corps habile et la main bonne. Mais, or, j'ai le corps plus dur et les genoux que n'est le mur qui froidement vous environne. Onde, sans fin vous promenez et vous menez et ramenez vos flots d'un cours qui ne séjourne. Et moi, sans faire long séjour, je m'en vais de nuit et de jour au lieu d'où plus on ne retourne. Et cependant, je ne voudrais avoir été ni roc, ni bois, antre, ni onde pour défendre mon corps contre l'âge emplumé, car, ainsi dur, je n'eusse aimé, toi qui m'as fait vieillir, Cassandre.